glisser sur ton visage blond lissé. Du bout de mes doigts, c'est ainsi que je vais t'écrire, ma chérie. Quand je te chéris, si j'entre dans ton entre, c'est pour sortir de la vie. Yeux fermés jusqu'à l'été, caresseront sans que rien ne paraisse le cœur qui me blesse de tes coups de rein, Marie. Oh, à mon avis, je n'ai plus envie que tu restes dans ma vie. Quand le vent gonflera ma voile, j'entendrai les étoiles me parler de la vie, du sens de l'oubli. Quand le vent gonflera ma voile, j'entendrai les étoiles me parler de l'oubli, du sens et de la vie. Et tu cries, ma chérie, quand je te chéris. Si j'entre dans ton entre, c'est pour sortir de la vie. J'ai senti le temps glisser sur ton visage blanc lissé. Du bout de mes doigts, c'est ainsi que je vis. Quand le vent gonflera ma voile, j'entendrai les étoiles me parler de l'oubli, du sens de la vie. Le vent gonflera ma voile, j'entendrai les étoiles me parler de l'oubli, du sens de ma vie.